Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule. Salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. S'il faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi, fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi, fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut la miss, t'es vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté. Parce que t'en vaut pas la peine, de toute façon t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la mort. Parce que tu te crois au-dessus, tu t'es pris pour Rihanna. Quand je serai en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi, fillette.